Chers frères, chères sœurs, bonsoir. Ça me fait un plaisir une fois de plus de vous retrouver ici sur Tatanzambe, le Tout-Puissant Akana, chaîne du savoir, chaîne de la connaissance mystique, la connaissance du savoir sur les mystères de la vie, les mystères qui se cachent derrière toutes ces formes de pratiques, quelle que soit la religion, quelle que soit la pratique magique, quelle que soit la pratique sorcière, tout ce qui se cache derrière la matière, tout ce qui contribue au mouvement de la matière, tout ce qui contribue à la vie, c'est de cela qu'on parle ici, dans cette chaîne de Tatanzambe. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui paraît tabou dans la société africaine. Je fais une surprise à plus d'une seule personne, c'est par rapport à la disponibilité et à mon calendrier de travail. Mais ce sont des sujets que j'ai expérimentés personnellement. J'ai été sollicité par des personnes pour pouvoir faire ce genre de travail. Il s'agit de quel travail? Il y a des hommes et des femmes qui demandent de venir de solliciter du travail sur ce qu'on appelle les filtres d'amour. C'est un langage, ne me demandez pas, c'est un langage que seuls les sorciers ou les sorcières ou encore ceux qui sont habitués de fréquenter ce genre de milieu afin de demander des services pour mieux gérer votre vie, puisque c'est ainsi va la vie. Cela ne date pas d'aujourd'hui, ça date depuis la nuit des temps. Depuis nos ancêtres, les gens ont toujours fait opérer ce genre de pratiques. Donc, les pratiques, il s'agit ici des filtres d'amour ou encore de ce qu'on appelle l'amour retrouvé ou l'amour trouvé. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand vous allez voir un spécialiste des sciences occultes, un maître ou un initié, vous lui dites que, bah, écoutez, moi, je veux vraiment trouver une femme. Si vous pouvez m'aider à retrouver cette femme ou à retrouver cet homme, alors je me confie à vous parce que vous êtes le maître, vous connaissez comment ça se passe. Ça fait très longtemps que je passe des moments difficiles dans ma vie depuis que mon épouse est morte, ou bien depuis que mon époux est mort, ou bien depuis que... Enfin, vous avez des différents scénarios où d'autres personnes peuvent vous dire, écoutez, moi je n'ai pas de chance dans ma vie. Parce que tout ce que je tente dans ma vie, rien ne marche. Surtout en amour, rien ne marche. Alors, ils vont donc voir des spécialistes, des sciences occultes, des spécialistes des pratiques spirituelles, non pas dans le sens négatif, hein. Ça peut être aussi un prêtre, ça peut être un pasteur. Puisque j'en ai vu dans les églises, à l'époque quand j'exerçais comme pasteur, j'ai vu des fidèles qui venaient me solliciter en privé pour me dire, pasteur, prie pour moi. Et je ne suis pas le seul. Il y a des pasteurs qui se sont vêtus à prier dans ce sens, pour pouvoir trouver l'homme de leur vie ou la femme de leur vie. Donc, toute forme de demande qui est liée à l'attachement de l'âme de l'autre, de l'âme d'une femme ou de l'âme d'un homme, toute pratique, quelle que soit l'origine, ça peut être par la religion, vous allez voir le pasteur ou le prêtre qui va prier pour vous, ou bien vous pouvez voir quelqu'un qui maîtrise très bien la prière, il pourra également faire le même travail. Ou bien vous passez par ce que le commun des mortels appelle par des pratiques magiques. Et j'entends, pour ceux qui sont peut-être nouveaux, et pour ceux qui le savent, j'entends par pratique magique, c'est-à-dire l'invocation ou des manipulations de certaines forces du cosmos, certaines forces qui contribuent à l'harmonie du bien-être sur Terre et dans tous les milieux. Donc vous allez voir ce spécialiste-là, ça dépend, ça peut être un mercenaire de l'occultisme, ça peut être un magicien ou un apprenti sorcier qui vit de ça, ou bien un illusionniste, donc qui vous fait vivre dans l'illusion, vous faire croire qu'il va vous trouver la femme de votre vie ou encore l'homme de votre vie. Donc, ce que je dis, cela n'est pas étranger pour la plupart de nos frères africains. Et même ceux qui sont dans les îles, puisque je suis suivi depuis les îles antillaises, la Martinique et Guadeloupe. La pratique qui consiste à faire des filtres d'amour ou encore chercher cet amour, à la recherche de cet amour. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Merci encore, merci et bonsoir pour tous ceux qui sont rentrés, bien que je n'ai pas vraiment prévenu beaucoup de monde, pardonnez-moi. Mais le sujet était là, sur la toile, sur Facebook. Donc, le sujet de ce soir, vous l'avez déjà là, vous avez sur l'écran, c'est le titre. Et tout de suite, donc, nous allons entamer avec ce sujet. En commençant d'abord par la définition. Et moi, je vous donne toujours des définitions qui sont tout à fait hors du commun, c'est-à-dire que vous n'allez pas trouver une définition étymologique dans le dictionnaire Larousse ou quel que soit le nom du dictionnaire que vous allez consulter, trouver une définition exacte de ce qu'on appelle un amour retrouvé ou un amour trouvé. C'est deux mots séparés, amour, retrouvé. Vous savez ce que ça veut dire, c'est-à-dire que vous cherchez à retrouver l'âme sœur. Amour trouvé veut dire vous avez trouvé l'homme ou la femme de votre vie, mais maintenant vous voulez maintenir cet homme ou cette femme dans votre vie. Vous comprenez? C'est ça dont il est question ce soir. Et il y a certains qui utilisent d'autres méthodes. Vous avez sûrement entendu parler de certains praticiens de l'occultisme qui vont vous parler de ce qu'on appelle comment vous pouvez, comment cette personne peut vous aider justement à vous faire ce qu'on appelle un filtre d'amour. Mais qu'est-ce que c'est un filtre d'amour? Ça n'a rien à voir avec le filtre comme filtrer de l'eau, bien que ça ait une petite ressemblance à la fin. Je pourrais dire plutôt que ce sont des synonymes. Donc, filtre d'amour, c'est tout simplement retrouver l'amour de votre vie. Retrouver l'homme ou la femme qui pourra vous rendre heureux pour le reste de votre temps, pour le reste de votre vie sur cette terre. Car, pour ceux qui ne le savent pas, la planète Terre, c'est juste un passage pour tous. Nous continuons, la vie continue. Donc, à la fin, si vous voulez, vous pouvez me poser des questions sur ce sujet. Je ne veux pas être trop long, je vous permettrai de poser beaucoup de questions. Le sujet est sur les dangers qui se cachent, ou bien encore le danger, je pourrais dire les dangers parce que je vous en énumérerai beaucoup, les dangers qui se cachent derrière ceux qui font des pratiques de filtre d'amour ou ceux qui font des pratiques en rapport avec comment retrouver ce véritable amour, comment retrouver cet homme ou cette femme que nous cherchons dans notre vie. Donc, ce n'est pas mauvais en soi de le faire. Mais ici, je vais vous parler plutôt des dangers qui se cachent derrière cela. Donc, quand il y a danger, ça veut dire qu'il y a aussi il y a bénéfice derrière cela. Mais moi, ici, en tant que spécialiste de l'occultisme et de la métaphysique et initié et maître, par ma petite expérience de 44 ans dans le domaine, je vais pouvoir vous amener dans les arcanes secrètes et vous donner le point de vue des maîtres. Un point de vue d'abord personnel, de ma propre expérience, et ensuite, nous allons écouter ce que les maîtres vont vous dire ce soir, à travers moi, bien sûr. Donc, l'honneur, la gloire, la puissance, l'adoration et l'élévation, et les félicitations, tout ceci revient en Zambakana, le Dieu Tout-Puissant. Celui qu'on appelle Teta Mwanga, le Dieu Tout-Puissant, et qu'on appelle, et dont le nom parfois est imprononçable, mais par un gestuel que seuls les initiés de la Kabbale comprendront, son nom est. Alors l'honneur et la gloire lui revient. Merci beaucoup. Le danger qui se cache derrière l'amour retrouvé ou l'amour trouvé. Avant de parler des dangers, allons-y logiquement parler un peu. Est-ce qu'il y a un mal d'être à la recherche de cet amour? Y a-t-il un mal de retrouver son amour? Pardonnez-moi, on a été perturbé. Ces derniers temps, nous avons un peu de difficultés de... Je ne parlerai pas de difficultés de connexion. C'est peut-être que, bon, les ennemis ne veulent pas qu'on parle de ce sujet très important qui mine la société africaine. Et quand je parle de la société africaine, vous allez partir du nord, en passant par le centre, l'ouest, l'est, jusqu'au sud, en passant par chez moi au Gabon et dans la zone du Congo. S'il vous plaît, ce sont les mêmes mots, ce sont les mêmes problèmes que nous rencontrons. Donc permettez-moi, s'il vous plaît, prions afin que ce show ne soit point interrompu. Et je vous prie de bien vous concentrer et de me poser les questions à la fin, s'il vous plaît. Et surtout pas de bavardage durant la séance. Et ne soyez pas hors du sujet. Le sujet, c'est sur les dangers qui se cachent derrière les pratiques que vous faites. Je ne l'ai jamais fait. Pour moi-même, bien sûr. Mais je l'ai fait pour certains clients. Pour certains d'entre vous, ils m'ont demandé de le faire. Donc, quels sont les dangers qui se cachent derrière les pratiques que vous allez voir les spécialistes comme nous autres pour nous demander de vous faire, de vous retrouver l'âme sœur par certaines pratiques afin que cette personne-là, femme ou homme, soit l'époux ou l'épouse ou soit l'homme de votre vie en fonction de son rang social ou pas. Donc, c'est de ça que nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Ce que je peux vous dire, les êtres humains sur Terre, les êtres, tout être, quand je parle d'être, c'est-à-dire femme comme homme, ont besoin de dépendre de l'un de l'autre. C'est ainsi que fonctionne la société. Et si nous rentrons dans la logique religieuse, que vous lisiez le Coran ou la Bible ou la Torah ou n'importe quel livre sacré, vous comprendrez que le mariage est sacré. Donc cela est très important. Qu'un homme vive avec une femme vive avec un homme. Mais pour ceux qui ont décidé de changer les modalités de la vie et de la fonctionnalité de la société, eh bien, c'est-à-dire ceux qui ont décidé que maintenant une femme doit vivre avec une femme, au commencement il n'en était pas ainsi. Ceux qui ont décidé qu'un homme doit maintenant vivre avec un autre homme, au commencement de l'histoire de l'homme, il n'en était pas ainsi. Donc, je parle de la logique homme et femme, éléments féminins et masculins. La force yin et yang. Le plus et le moins. Parce que nous avons vu que plus et plus, ça donne toujours plus. Ça ne donne aucune une neutralité absolue. Tout comme moins, moins et moins, ça donne toujours moins. Mais par contre, moins plus, moins, ça vous amènera à une certaine neutralité. Mais toujours donne le moins 1, le moins moins par autant pour moi. Donc, si nous empruntons même les mathématiques, moins 1, moins 1, vous savez ce que ça va donner. Par contre, si vous avez moins 5 plus 1, ben, ça va vous donner moins, toujours moins, parce que par rapport à la valeur élevée. Bref, pardonnez-moi de vous amener dans ce genre de distraction. C'est donc dire que la logique veut qu'un homme et une femme, c'est tout à fait normal qu'ils vivent ensemble. Parce que le créateur de l'univers, le créateur du monde visible et invisible, Tetamwanga, Nzambakana, le Dieu Tout-Puissant, a créé la race humaine afin qu'elle se multiplie et se reproduise dans le plan terrestre, après ce temps que nous allons mettre sur cette terre et de continuer à d'autres plans supérieurs subtils ou les mondes invisibles, parce qu'en dehors de la planète Terre, il y a d'autres planètes beaucoup plus évoluées. Donc, en tenant compte de cette règle biologique, scientifiquement approuvée et même spirituelle, le plus et le moins donnent toujours une valeur appropriée de neutralité. Et dans cette neutralité, vous allez faire apparaître une vie, laquelle vie prend essence à partir de l'œuf que produit la femme. Cet œuf, donc, va s'ouvrir afin de recevoir le spermatozoïde. Bon, je ne vais pas vous amener dans les sciences naturelles, mais ce phénomène n'est possible qu'entre une femme et un homme. Donc, seul l'homme est capable de pouvoir produire ce spermatozoïde sous couvert du sperme, ok? Et ces spermatozoïdes, donc, vont aller à une course de marathon indescriptible pour pouvoir retrouver celui qui va arriver le premier pour entrer dans l'œuf, ou bien ceux qui vont trouver, quand je parle de ceux, c'est-à-dire on parle de jumeaux ou de triplés ou de quadruplés, qui vont pouvoir se retrouver là-bas. En un mot, ce phénomène ne peut se passer que dans le ventre d'une femme. Donc, quand il s'agit d'amour, bonsoir, ma secrétaire, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, oriente le débat là, d'une heure, que nous aurons pendant une heure, pour que les gens me posent des questions à la fin. Donc, l'homme et une femme, c'est tout à fait normal qu'ils vivent ensemble. Alors, comment ça se passe? Sauf si vous partez dans certaines régions. Mais le cas, de manière générale, moi, quand j'ai rencontré mon épouse, on s'est rencontré au Gabon, eh ben, j'ai fait la première approche, j'ai pris les premières initiatives. C'était mon élève de karaté. Et puis, j'ai projeté certaines admirations. J'ai dit ce que j'ai pu dire, comme tout homme le fait. En un mot, c'est moi qui ai fait la première approche. Ça a pris du temps, des mois et des mois, et après, nous avons décidé de parler plus sérieusement dans la chose, et ensuite, nous avons décidé de vivre ensemble, et ensuite, nous avons décidé de nous marier, et oui, voilà. Mais ce n'était pas la femme qui est venue me demander. Donc, c'est pour ça que j'ai dit, sauf exception, dans les pays développés, tels qu'ici ou en France, on assiste parfois à des cas pareils, où les femmes sont très honnêtes, elles ne cachent pas ce désir-là, que vraiment elle veut de vous, et puis voilà, elle va pouvoir se lancer après vous et vous déclarer son amour. Mais souvent, c'est rare, c'est l'homme qui le déclare. Ça, c'est la voie naturelle. Donc, l'homme passe d'abord par la voie naturelle, l'homme ou la femme va vous exprimer ses sentiments. Il ou elle va exprimer ses sentiments, vous dire, écoutez, voilà ce que j'admire en vous. Et puis nous allons, je suis très, comment dire, j'aimerais que nous puissions finir le reste de notre vie ensemble. Donc ceci étant donc, vous commencez à créer cette amitié et ensuite vous passez par la période de fiançailles. Nous connaissons tout ce qui se passe. Je n'ai pas besoin d'entrer dans ce protocole qui nous amène au mariage. Et nous connaissons la suite. Après, vous décidez de vous marier. Bon, maintenant, le problème, et ça c'est très important, une fois que vous êtes marié, deux fois, l'un ou l'autre, l'une ou l'autre a commis l'erreur de ne pas vraiment étudier la personne selon la procédure spirituelle. Comment étudier la personne procédure spirituelle? J'en ai parlé dans l'une de mes vidéos où je vous parlais justement de la technique de compatibilité ou la technique d'incompatibilité. Parce que vous pouvez voir une personne pour la première fois dans la rue, elle peut vous paraître souriante ou il peut vous paraître gentil. Il va vous balancer ces bons mots-là pour vous charmer. Élégant garçon, très bien coiffé, il parfume très bien. Il vous présente, si c'est quelqu'un qui a les moyens, il va vous présenter sa dernière Mercedes 665 Maybach. Une Mercedes qui coûte près de 300 à 400 millions de francs CFA. Donc, en un mot, il vous donne cette première impression-là. Et voilà, vous tombez dans cet amour. Vous tombez, vous comprenez? Ça, c'est de manière naturelle. Mais maintenant, le problème, c'est que quand il le fait, c'est parce qu'il veut de vous. Il ne le fait pas dans le but de dire que vous allez être son épouse pour le reste de sa vie. Vous comprenez? Ou bien ça va dans les bars. Merci, ça va dans les bars. Vous allez prendre rendez-vous. Bon, écoutez, on se retrouve au bar là-bas, je ne sais pas moi. Par exemple, moi, quand j'étais jeune, là, avant que je ne vienne ici, je ne suis pas quand même... comment dirais-je, un anti-humain, je suis un humain, ok, avant d'être quand même un homme spirituel. Spirituel ne veut pas dire que vous allez vivre seulement avec de l'esprit. Un homme spirituel, c'est un homme qui est équilibré, donc qui sait faire la balance de ce qui est matière et spirituel. À la différence que lui, il est l'intermédiaire entre le monde des vivants et le monde des morts. Donc, je fréquentais une boîte de nuit qu'on appelle Isoua. Ceux qui sont à Port-Antique connaissent la boîte Isoua. C'est vraiment une très belle boîte de nuit, je ne sais plus si elle existe encore. Et j'en connaissais le Night Fever. À Libreville, je fréquentais une boîte de nuit, donc je ne m'en souviens plus le nom. C'est juste au bord de mer, là. En partant vers, je ne sais pas moi, derrière, après le lycée Léon Barre, au bord de mer. Il y a une boîte de nuit également là où je m'en souviens. J'ai dansé avant de venir ici aux États-Unis, donc vers les années 2000. Bref, vous pouvez aussi rencontrer la personne là-bas. Donc, les premières impressions souvent sont trompeuses, c'est ce que je veux dire. Peu de gens sont très, très, très... Voilà, la maringa, merci beaucoup. Voilà, j'étais là-bas, la marina ou la maringa, là. Donc, souvent, dans ce genre de milieu, vous verrez des femmes qui ont des moyens, des femmes qui... ou des hommes qui étaient dépassés par les événements de la vie, où ils ont connu un divorce ou quelque chose comme ça. Mais, beaucoup d'entre eux, le point que je veux faire, mettre en valeur ici, c'est quoi? Que ce qui amène les gens à pouvoir penser, parce que c'est ça le sujet du jour, à faire certains fétiches pour pouvoir retrouver cette âme sœur ou bien pour pouvoir bloquer la personne, eh bien, les raisons viennent de diverses sources. Et l'une des raisons, c'est celle-là que je suis en train de vous dire. C'est-à-dire que les gens, au début, vous trompent par leurs apparences. La première fois, vous voyez le type, il ne vous présente pas vraiment qui il est. Et beaucoup d'entre eux, malheureusement, peu nombreux sont ceux-là qui vous donneront leur véritable identité. Comprenez? C'est-à-dire leur identité humaine, physique, peut-être le niveau intellectuel. Certaines personnes me diront que ça compte peu, mais moi je dis c'est important. Moi je dis toujours tout, je dis à la personne. Je dis à la personne, voilà, voilà mon niveau d'études, voilà le travail que je fais. Mais ceci, je le dis souvent après, je préfère que la personne découvre. Mais du point de vue caractériel, du point de vue qui je suis, souvent c'est très important. La personne peut même juger par votre première approche, comme on dit, la première impression. Il y a ceux qui ont une impression hypocrite. Et pour la femme, comme vous le savez, qui ne le savent pas, que la femme est la première psychologue par nature. Elle n'a pas besoin d'aller faire des études de psychologie ou des études de caractérologie humaine pour connaître vraiment un homme. C'est faux. Parce que la femme, pardonnez-moi de faire cette comparaison qui n'a pas sa place. Pardonnez-moi une fois de plus, je ne veux pas comparer la femme à cela. Mais je veux plutôt prendre un autre exemple. Ce n'est pas un exemple de comparaison. Mais c'est un exemple de société. Vous avez le chien à la maison que vous aimez bien. Mais je vous jure que le jour où vous allez vouloir le faire du mal, le chien, en vous regardant, ressent ses émotions. Eux, ils ont ce qu'on appelle le troisième œil ou bien le sixième sens ou quelque chose comme ça. Le sixième sens chez les animaux, pas seulement le chien, même en brousse, ils ont ce sens-là tellement développé qu'on appelle ça l'intuition. C'est très, très avancé. La femme, si vous me permettez l'expression, terre à terre, on dit que la femme a une intuition trop avancée. Elle a un troisième œil. Quelle que soit la femme, hein, blanche, noire ou quoi que ce soit. Donc, quand vous lui parlez, là, quand vous lui parlez, vous lui exposez qui vous êtes, vous racontez toute votre vie, elle saura que de premier jour d'abord, un homme qui bavarde trop, ce n'est pas nécessairement vrai ce qu'il est. Ceux qui sont réservés, ils hésitent de dire qui ils sont, ils peuvent aussi cacher certains masques. Donc, en un mot, la première impression, le premier jour de votre rencontre, ou les premiers moments, les premières semaines, les premiers mois, souvent ce n'est pas facile de savoir qui est en face de qui. Voyez-vous? Donc, je reviens. Le test de compatibilité et le test d'incompatibilité, en fonction de vos signes astrologiques, en fonction des mois où vous êtes né, on tient compte de beaucoup de choses et de facteurs qui peuvent vous permettre de pouvoir déterminer si cette personne-là que je suis en train de rencontrer peut finir le reste de ma vie avec moi. Parce que c'est ça l'objectif. Vous comprenez? Maintenant, ça dépend du contrat que vous signez. Il y a ceux qui signent des contrats d'abord préliminaires, c'est-à-dire on peut être copain-copine. Et puis, suite peut-être à certaines déceptions que ces personnes ont eues dans leur passé. Donc, on peut vous dire, bon, moi, mon ami, moi, je ne veux pas m'engager dans ces histoires-là. Je préfère qu'on reste copain-copine. OK. Donc, si c'est dans ce cadre bien précis, alors la personne, vous vous acceptez ainsi. Mais c'est au fur et à mesure que vous allez vous accommoder, c'est au fur et à mesure que vous allez vous dévoiler, c'est au fur et à mesure que vous allez vous révéler, c'est au fur et à mesure donc que vous allez dire à l'autre ou à l'une qui vous êtes, si vous voulez prendre cette relation-là vraiment très sérieusement. Et c'est au cours de cela que vous allez découvrir quelles sont les compatibilités ou les incompatibilités. Par exemple, si vous êtes très avancé dans les sciences spirituelles ou les sciences occultes, vous pouvez consulter une personne comme moi. Vous allez dans ce cas, je vais vous dire, bon, maman, oui, quel est ton signe astrologique? Bon, moi, mon signe astrologique, je suis taureau. Ah, oh, OK. Bon, moi, je suis gémeaux. Bon, moi, là, je suis le... comment dirais-je? Ou bien, je suis bélier. Bon, moi, je suis gémeaux. Les béliers et les gémeaux, là, est-ce que ça peut s'entendre? Oui, dans un cadre où, en amour, souvent, l'amour qui se change entre le bélier et les gémeaux est très fort. Je parle des hommes béliers et femmes, plutôt hommes gémeaux et femmes béliers. Souvent, ils ont un amour charnel trop fort quand il s'agit de... Oh mon Dieu, ma secrétaire maintenant là, c'est grave. Hein? Donc, en amour, les béliers hommes, plutôt les gémeaux hommes, sont très très amoureux avec les femmes béliers. L'amour est trop fort, même sexuellement, c'est très fort. Mais il y a un problème. Les gémeaux aiment ce qu'on appelle la liberté. Et bien, tellement ils sont libres. Et souvent, la plupart, ils sont instables en amour. C'est-à-dire, ils cherchent à avoir plusieurs partenaires. Ils cherchent à avoir plusieurs femmes. Voyez-vous? Or, les femmes béliers, souvent, c'est vrai, elles ont ce sens artistique, elles ont ce sens d'un amour conservateur, elles ont cette fierté de gérer et de donner leur cœur en amour, mais avec parfois la réserve. Elles, quand elles donnent le cœur, elles veulent être fidèles. Et là, il y a un problème avec les gémeaux. Donc, je répète, en cadre d'amour sensuel, physique, il y a compatibilité entre les deux. Et ensuite, pour ce qui est des projets, les affaires, les gémeaux et les béliers, vous savez, les gémeaux, c'est des meilleurs communicateurs. Les gémeaux communiquent très bien, c'est des grands communicateurs, c'est des gens très avancés dans le mysticisme, dans la spiritualité, à cause du dieu Mercure, la planète Mercure qui influence leur vie, et à cause de la présence de Vénus en eux. C'est des gens très comiques. Ils ont le sens de l'humour, le sens de l'amour et de l'altruisme. Bref, il y a beaucoup de choses en eux. Mais, justement, à cause de leur sens de l'altruisme, de trop s'occuper des gens, ils dégagent un certain magnétisme qui fait en sorte qu'ils sont aimés de tout le monde. Et c'est à cause de ça Ils aiment cette liberté. Donc, il faut vous y attendre que si vous épousez un homme gémeau, vous verrez que vous aurez des problèmes à pouvoir le cerner et à le cadrer. Là, je m'adresse des femmes qui sont béliers. Elle va avoir un problème pour le cadrer. Sauf une femme qui est scorpion. Sauf une femme qui est un autre signe là, Capricorne. Donc, les signes de l'eau, les signes de terre, elles n'ont aucun problème pour pouvoir cadrer le Gémeau qui est un signe de l'air. Parce que l'air, avec le feu, le bélier, son élément dominateur, c'est le feu. Or, vous verrez que l'air, souvent, aggrave le feu. Sauf si l'air s'adapte et fait le sacrifice de changer, c'est-à-dire rentre dans l'école de la culture. Parce que ce que je vous parle, c'est de manière générale. Mais ça ne veut pas dire que tous les Gémeaux sont comme ça. Tous les Gémeaux qui sont passés par, comme votre âme serviteur, par exemple, maintenant vous savez qui je suis Gémeaux. Mais je suis rentré dans l'école de la modification de ma vie, l'école de rectitude, et ainsi de suite. Donc la sagesse est rentrée en moi très vite, ce qui fait que je fais un travail. Parce qu'on vous présente à la fois les défauts sur votre arbre astrologique. Les Gémeaux, ils aiment les femmes. Les Gémeaux, ils sont des êtres libres. Mais de l'autre côté, on vous montre les qualités qu'il faut développer à la place de ça. Donc, c'est un exemple que j'ai pris. Donc, c'est très important qu'avant de vous lancer dans cette relation, il faut déjà voir ces compatibilités-là. Vous comprenez? Vous pouvez aller online, hein, s'il vous plaît. Ne me faites pas de demande de genre, oh, je ne sais pas si je viens de voir là, non, je suis par exemple taureau, j'aimerais savoir si je peux me marier avec mon copain qui est Gémeaux. Mais je vous dis déjà d'une manière générale. L'homme Gémeaux, s'il n'est pas un homme spirituel, c'est-à-dire bien avancé dans la spiritualité, ou bien un homme vraiment bien assis, qui a la sagesse, c'est ça les généralités de l'homme Gémeaux. L'homme Gémeaux, il est comme ça. C'est un homme de liberté, il aime la liberté. Donc, ça va être pour vous, si vous êtes. Et surtout que les béliers, les taureaux, les balances, c'est des femmes qui sont très, très jalouses. Donc, ça va être dur pour pouvoir contrôler le Gémeaux. Donc, ce que je voulais vous dire. Par contre, si vous êtes scorpion, lion ou encore capricorne, vous pouvez contrôler le Gémeaux et le Gémeaux va se calmer, il va être complètement soumis. Bref, allons-y donc droit au but du sujet. Pourquoi il y a danger derrière les pratiques? Parce que les pratiques viennent d'abord comment? Les pratiques viennent du fait que vous n'arrivez pas à contrôler l'homme. Je prends le cas, par exemple, là, un exemple. Ma secrétaire, elle est bélier. Je suis Gémeaux. Bon. C'est ma fille, hein. Elle n'a pas l'âge pour d'être mon femme, ma femme. C'est un exemple que je prends. Je suis Gémeaux, je suis Bélier. Mais nous nous connaissons déjà. Nous savons que si nous allons nous marier, ça va être difficile, hein, de manière générale pour les Gémeaux, de pouvoir, elle va avoir un problème pour le contrôler. Parce que cet esprit de jalousie et de possession, c'est mon homme, je dois le garder. Ça, c'est le caractère d'abord de toute femme naturellement, mais c'est un peu plus élevé en fonction des signes astrologiques. Vous verrez que les femmes, par exemple, qui sont scorpions ou capricornes, elles s'en foutent. Elles sont très réservées, discrètes, elles ne veulent pas vraiment trop, machin. Donc, tu vas faire ton désordre là, elle s'en fout. Par contre, la femme bélier, la femme balance ou taureau, oh là là, mais et là, je parle avec Gémeaux, ça va être dur. Vous comprenez? Donc, il y a certains qui ne savent pas. Donc, l'information, la vidéo que je suis en train de vous faire ce soir, c'est quoi? Ce que vous. Quand vous faites les compatibilités là, et c'est gratuit, hein, allez-y le faire sur online là. Moi, je ne sais pas si ça existe, mais en tout cas, allez-y faire les recherches. Moi, j'ai appris l'astrologie et j'ai étudié ça. C'est comme ça, j'ai découvert par rapport à mon épouse pourquoi il y avait des problèmes. Donc, c'est très important de le savoir. Ou bien vous voulez continuer dans la relation en train de vous buter, vous faire du mal pour rien, ou bien vous arrêtez. Donc, c'est très important de faire ces recherches là. Alors. Oh là là, vous savez, les Gémeaux et bien les femmes, c'est vrai, ils sont très libres. Je répète, ça c'est de manière générale. Ne commencez pas maintenant à aller taquiner votre maître ici, là, que voilà, moi je vais maintenant prendre toutes les femmes. Non, mais d'une manière générale, c'est ça. Sauf si vous êtes discipliné comment on appelle, dans votre vie. Donc maintenant, connaissant cela, vous allez dire, mais tiens, mais cela me servira à quoi de continuer à vivre? Mais il faut vous entendre. Hein? Bon, maman, oh, j'ai fait des recherches. Toi et moi, là, c'est dur. Moi, je suis Sagittaire et toi, tu es Bélier. Moi, je ne sais pas. Hein? Moi, je crois qu'on ne peut pas vivre ensemble. Oh, comment ça? Mais ah, voilà, voilà ce que les Blancs nous disent. Mais même toi-même, là, quand tu regardes notre conduite, hein? Comment tu vois ça? Ah, c'est vrai, oh, je te contrôle trop, je t'engueule même devant les enfants, je n'arrive pas à me maîtriser, je ne comprends pas. Pourtant, je prie. Donc, ne forçons pas les choses. Ça veut dire qu'il y a incompatibilité. Mais ça, c'est dans la logique où vous connaissez tous ces principes-là. Vous comprenez? Mais beaucoup de gens ne connaissent pas ces principes. Beaucoup de gens ne savent pas qu'il faut faire l'étude de compatibilité et d'incompatibilité. Moi, j'ai appris ça à l'école où j'ai fait psychologie, parce que j'ai fait psychologie de la famille et j'ai fait la psychologie du comportement. Donc, dans la psychologie du comportement, c'est la même chose qu'on va vous apprendre, que le comportement de tel, tel se comporte comme ça parce qu'il y a telle couleur qui le dérange. Tel se comporte comme ça parce que la lumière qui est dans la chambre, même quand vous allez faire les affaires des hommes et femmes là, hein, dans la chambre, mais vous allez mettre de la lumière blanche, machin, ça va vous perturber. Vous allez mettre la lumière qui est, par exemple, comment on appelle, quelle couleur là, n'importe quelle autre couleur, mais ça va vous perturber. Par contre, si vous mettez la couleur rouge, vous verrez que même avant de vous toucher, même pendant que vous parlez, vous sentez vos sens s'élever. Pour l'homme, il se met à bander vraiment sauvagement. Pour la femme, elle est très excitée parce que la couleur rouge, c'est la couleur des sens, c'est la couleur sensuelle. Et même lorsque vous partez pour votre premier, on appelle ça the first date, à votre premier rendez-vous de rencontre avec votre copain, vous voulez vous rencontrer pour la première fois, souvent pour les femmes, habillez-vous en rouge, mettez un rouge à lèvres, vous verrez que cet homme-là, qu'il soit même en colère contre vous, mais je vous jure qu'il va changer parce que l'impact de la couleur. Donc, c'est ce qu'on appelle toujours des problèmes de compatibilité et d'incompatibilité. Voyez-vous? Donc, dans le cadre de cette étude-là, si vous ne connaissez pas tous ces phénomènes-là, vous voilà dans une relation, vous allez forcer les choses, mais vous vous dites non, le monsieur est gémeaux, mais comme il a beaucoup d'argent, c'est là où vient maintenant le facteur matériel. Vous ne voyez pas l'aspect que non, je suis bélier. Non, le bélier peut se marier avec le gémeau, ça je peux déjà vous le rappeler. À cause de, ça dépend, si vous aimez le côté trop sexuel, même si le type a 80 ans, mais à chaque fois, bélier est à côté, il se met à bander comme un fou. Je ne sais pas quel est ce phénomène-là, je ne sais pas. Bref, il n'y a que Dieu Nzambakana qui connaît. Donc, ils peuvent se marier, mais sauf qu'ils doivent être prévenus de cela. Ils ont 75% de chances qu'ils peuvent se marier. Par contre, se marier avec un élément du même signe, gémeaux, généralement ça ne marche pas. C'est compliqué. Ne me demandez pas. Donc, moi, je suis air. Je ne peux me marier qu'avec terre ou bien eau. Terre et eau. Je ne peux pas me marier avec air et je ne peux me marier avec feu. Parce que l'air aggrave le feu. Vous comprenez? Avec l'eau, bon, il y a l'air qui est là, mais ça peut marcher. Vous comprenez? Donc, c'est ça le problème. Mais par contre, le feu peut être calmé, la relation entre feu et air, j'ai pris l'exemple de bélier parce que c'est ça mon épouse, bélier et gémeaux, pour que le feu de bélier se calme, il faudrait que le gémeau se rectifie. Mais si bélier n'est pas sage, il n'est pas ceci, plutôt gémeau n'est pas ceci, cela, il y aura toujours un problème parce que le bélier c'est l'air. Et vous savez que le vent, ça aggrave toujours le feu à chaque fois. Ça, il y aura toujours palabre, pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas pourquoi. Bref. C'est là où l'élément des dangers de fétiche intervient. Parce que vous allez vous dire, bon, et pourtant on se dispute, je ne comprends pas, le type là, je veux le garder pour moi-même. Oubliant qu'il est gémeaux. Les gémeaux, c'est des gens libres. Ils ont mille et une femmes à gauche, ils aiment. Les femmes les aiment, moi je ne sais pas quel charme ils ont. Ils aiment les femmes, certes, mais souvent c'est les femmes qui les aiment le plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont ce charme-là naturel en eux. Bah, je ne sais pas. Allez-y, réfléchis, faites vos recherches. Mais c'est ce que j'ai constaté. La plupart des gens qui sont gémeaux, ils ont eu le succès auprès des femmes. Ainsi donc, toi la femme, tu vas commencer à paniquer. Ah non, mon gars là, c'est pas normal. Moi je veux le garder pour moi-même. Mais au lieu d'abord faire des analyses, que, ah, quel est son signe là? Il est gémeaux. Bon, le pasteur va te dire, ah, laisse-moi ces histoires là, il faut venir prier au nom de Jésus. Ah, tu as prié au nom de Jésus? Oui, mais toi, est-ce que Jésus était là le jour où il est né? Le jour où il est né en juin. Il y a eu telle planète qui était en diagonale. Telle planète était à 80% sur lui, la planète Mercure. Vénus était de l'autre côté. Or, Vénus, c'est la planète de l'amour, c'est la planète du charme. Alors, vous voyez, donc le type, vous ne pouvez pas changer. C'est comme ça. Au jour de sa naissance, il y a eu déjà sa signature. Parce qu'un signe astral, c'est quoi? C'est la signature des dieux pour confirmer votre existence ici-bas. Donc, le jour que vous êtes né, il y a eu des signes dans le plan astral qui ont fait en sorte ce que vous êtes. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit que l'astrologie, c'est l'étude des astres. Tous les mouvements des astres ont un impact dans votre vie de tous les jours. Allez-y, suivez ma vidéo sur, comment dirais-je, la relation entre la Lune et notre sexualité. Il y a la même chose, la relation entre la Lune et notre comportement d'une manière générale. Donc, Si vous ne connaissez pas ce phénomène, qu'est-ce qui va se passer? Vous, la femme, vous allez dire, ah, le type là, et pourtant il est gémeaux, ah non, mais il a beaucoup d'argent, c'est un bon tchatcheur, vraiment, il a beaucoup de maisons, non, il faut que je le garde pour moi. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous allez venir me voir. Oh, papa Mouéré, oui, ah, vraiment, monsieur Mougala, là, j'aime beaucoup Mougala. Ah bon, oui, ah, Mougala, oui. Oh, vous connaissez Mougala, non? C'est le directeur général du Trésor public. Ah, oh, bah, oui, bon, mais oh, dis donc, le type là, oui. Ah, mais il n'est pas marié. Non, il n'est pas marié, c'est ce que je ne comprends pas. On s'est connus, il m'a soutenu de payer mes études là, hein, au lycée, jusqu'à l'université, j'ai eu mon diplôme, hein, mais vraiment, son ensemble, mais rien. Toujours les petites autour de lui. Donc, pardon, je suis venu te voir là pour que tu le bloques, oh, pour qu'il m'épouse. Parce que là, moi, j'ai trop souffert, hein, c'est moi qui ai souffert pour lui. Ah bon, oui, ok. Bon, maman, bon, bien. Merci d'être venu me voir. Là, vous venez voir quelqu'un d'autre. Vous ne venez pas voir M. Moiré. Vous partez voir, par exemple, M. Chikaya. Ah, M. Chikaya va danser son boutique. Ah, bon, on va faire quelque chose pour Mademoiselle Nyingon. Oh, Mademoiselle Nyingon veut quoi? Ah, Mademoiselle Nyingon, elle veut épouser M. Mabika, là, le directeur général du Trésor public. Ça, c'est les gens qui payent même le président, les gens qui payent les ministres. Ah, bon, oui. Ah! Ah, vraiment, elle a eu la chance. En plus, Mabika, là, il est célibataire, mais lui, avec les petites, laissez-nous ça, on doit le bloquer. OK. Donc, M. Chikaya va faire tout pour que Mademoiselle Nyingon puisse avoir le cœur, hein, de M. Mabika. Voilà la situation, c'est celle-là. Maintenant, je vais vous dire où le danger vient. Un, elle a ignoré que M. Mabika est gémeaux. Ça, c'est très important. Et de deux, elle a ignoré que M. Mabika, pendant que elle, Mademoiselle Nyingon, était en stage en Allemagne, M. Mabika, la famille lui a trouvé une jeune fille originaire de la Nyanga comme lui. Et cette jeune femme-là, c'est une femme vraiment cool, qui ne se rebelle pas. Elle n'a pas beaucoup appris. Elle n'a pas les doctorats comme Mademoiselle Nyingon. Donc, vous comprenez? Et souvent, les hommes aiment ça. Quand la fille est moins éduquée, c'est une villageoise, là, bon, peut-être qu'elle a un niveau seulement troisième, donc il n'y a pas de problème. Ça, je peux gérer ça. Et les parents ont vu que non, c'est une fille vierge, donc voilà la femme qu'on te donne, et ainsi de suite. Alors, M. Mabika va regarder, dit, tiens, Mademoiselle Chisambo, là, ou bien Mademoiselle Juliette, c'est une fille, elle n'a pas beaucoup appris, elle n'a pas les yeux éclairés, elle n'est pas partie en Allemagne ou bien en Europe, là, comme Mademoiselle Nyingon. Mademoiselle Nyingon, elle m'amène un doctorat des communications. Oh, celle-là, toujours en train de me débattre. Hein? Alors que moi, Mabika, moi, j'ai fait seulement 2 ans à l'université, là. Je n'ai même pas la licence. Hein? Mais c'est à cause de ma loge, à cause de la loge, et à cause de le fait que je sois du parti au pouvoir. Donc, voilà comment j'ai eu cette position. Mais cette Nyingon-là, non. Moi, je l'ai envoyée. J'ai commis une erreur d'aller lui faire des hautes études. Oh, vraiment. Mais on a fait comment? Comme j'ai payé ses études, bon, je vais gérer ça comme ça. Ah, Mademoiselle Nyingon, tu m'écoutes. Donc, Mademoiselle Nyingon, toi qui veux épouser, forcer M. Mabika de t'épouser. Il a déjà le cœur qui ballotte entre deux cas. Number one, son signe astrologique, c'est comme, comment dirais-je, c'est son radar, c'est son ADN. On ne peut pas modifier l'ADN à 100%. Tu peux modifier un peu par ton régime alimentaire, mais c'est souvent compliqué. Bon, si l'ADN dit que, hein, bon, peut-être pas l'ADN, mais son signe astral dit qu'au jour de sa naissance, ce jour-là, voilà, ce qu'il est, voilà ce qu'il est. Tu ne peux pas. C'est un type qui va être rebelle, qui va tout emmerder. Ça, c'est l'ignorance que tu, numéro un, que tu n'avais pas, Mademoiselle Nyingon. Et l'élément numéro deux, là, il est attaché à cette petite fille-là que la famille lui a donnée. Hmm? Donc, tu vas faire comment? Hmm. Ça, c'est de deux. Ah, et touchons maintenant le troisième point. Le troisième point, il est dans les loges maçonniques. Et le quatrième point, il a commandé des hautes protections de l'Inde. Il a des protections de l'Inde. Il est maçon. Il a sa petite qu'on lui a proposée. Et ensuite, son signe astrologique est incompatible avec ton signe astrologique. Toi, tu es R et lui, il est R. Oh, mais vous allez faire comment? Hmm? Donc, vraiment, c'est compliqué. Là. Où est le danger? Bon, Mademoiselle Mabika va insister. Oh, Monsieur Chikaya, il est là. Il dit, oh, Mademoiselle Babeka, oh, un petit Mademoiselle Nyingon, oh, bon, amenez-moi tel élément, tel élément. Oui, bon, vous connaissez la fourchette qui mange avec lui. Oh oui, je connais. Ok, amenez-moi ça. Est-ce que c'est toi qui laves le linge à la maison? Oh, mais j'amène ça souvent, tu sais, hein, comme il a la machine à laver. Bon, écoute, il faut surveiller son slip, là, le dernier slip sale, là où il est, hein, ce qu'il a utilisé avant de le laver. Tu m'amènes ça, oui. Bon, autre chose. Ah, là où il met son pied, hein, au bureau, là, la porte de ta maison, là où il vient te voir, là. Il faut me prendre cette terre-là, là où il pose le pied. Tu as compris? Oh, mademoiselle Nying, on ne fait que noter. Bon, le sable de pied, là où il pose le pied. Elle amène tous ces éléments. Donc, M. Chikaya, il va rentrer dans les affaires. M. Chikaya va commencer sans faire autre chose. Il s'en fout. Lui, il veut son argent. Ah, mademoiselle Nyingon, oui, moi, je vois que le travail est trop fort. Au lieu de dire la vérité que, ah, l'esprit du type là, de Chikaya, là, non, non, non, c'est un esprit trop fort. Hein. Non, il préfère mentir. Non, non, non, non. Mademoiselle Nyingon. Ah, le travail que tu me demandes là, vraiment, ma fille, c'est trop fort. Il faut m'amener 5 millions. Ah, ah bon, oui. Oh, mademoiselle Nyingon prend le téléphone. Oh, mon chlou, oui. Là, c'est M. Chikaya, hein, il est au bout du téléphone. Oh, chérie, oui, c'est comment? Oh, je suis très chargé là. Oh, mais chérie, moi, j'avais oublié de te dire. À l'université, là où j'étais, là, à Born, là, en Allemagne. Oh, mais j'avais oublié de te dire que il y avait une somme de... 7 millions que je les devais, mais j'avais peur de te dire, comme trois fois moi je t'appelais, toi tu es toujours fâché à cause de tes petites copines là, hein? Machin, machin. Oh, monsieur Chikaya qui réplique, oh, mes chéris, laisse, qui t'a dit l'histoire des copines, hein? Dis-moi le problème directement, je vais régler ça. Oui, moi j'ai besoin de ça, oh. Je veux les 7 millions là, demain matin. Oh, mais c'est aussi urgent que ça. Oui, oui, oui, même ce soir quand tu viendras, pardon, amène même la moitié, oh. Parce que là, je suis embêté, ils ne font que m'appeler tout le temps. Ok, il n'y a pas de problème, on va arranger ça, on va arranger ça. Ok, à tout à l'heure, chérie, je t'embrasse. Oh, tu es trop belle. Tu es mon dernier cœur, mon dernier souci. Oh, je t'aime à mourir même. Hein. Je ne vais jamais t'abandonner. Je ne t'oublierai jamais. Tu es la femme de ma vie. Et la fille va bien alimenter ça encore. Oh, mais toi, tu es mon roi. Tu es mon tout pour moi. Il n'y a que toi. Je jure sur ton nom. Et ainsi de suite, jour et nuit, je ne rêve que toi. Même sur le tombeau de ma mère et de mon père. Ah, terminé. Donc, le lendemain, mademoiselle Nyingon, elle va amener, comment dirais-je, les 5 millions que le vieux Chikaya a amené. Voilà Chikaya qui tremble. Ah, ma fille, tu as eu tout. Oui, oui, oui. Ok, c'est bon. On va faire le travail. Le travail est fait. Mademoiselle Nyingon attend. Une semaine, monsieur Mabika, le comportement change. Oh, mes chéris, c'est comment? D'abord, Chikaya vient le soir à la maison. Bon, écoute, chérie, moi, je crois que je vais... Bon, je t'ai amené un peu d'argent là, hein. Oh, mais toi aussi, c'est comment? Tu changes comme ça? On ne peut pas passer un moment ensemble? Oh, non, non, non, chérie, j'ai beaucoup de boulot là. Il y a un dossier hein, que le ministre des Finances m'a donné là parce que, bon, tu sais, il faut serrer la ceinture. La situation du pays, c'est très dur. Hein? Et les fonctionnaires, les salaires, tout ça, bon, le trésor, on a des fonds de liquidité et le Fonds monétaire international. Donc, le car Chikaya va trouver maintenant mille et une raisons. Pourquoi? Mais parce que le fétiche que le vieux Chikaya a fait sur Mabika est en train de réagir maintenant de manière négative. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, M. Mabika est franc-maçon. Et dans les loges maçonniques, généralement, leur protection marche très bien, leur égrégore. Et ensuite, il a commandé une protection en Inde. Vous comprenez? Donc, ces esprits-là sont en train de pouvoir combattre le fétiche que le vieux Chikaya a fait. Qui va payer les pots cassés? Suivez la suite. Maintenant, puisqu'elle a demandé le sous-vêtement de M. Chikaya, mademoiselle Nyingon a demandé ça. Vous souvenez-vous, il y avait le sous-vêtement. Et donc, le sous-vêtement de M. Chikaya a été mis dans le fétiche. Et quand on parle du sous-vêtement, c'est quoi? Mais c'est la saleté de son corps. C'est une partie de son âme, de son esprit qui a été mis en jeu. Donc, les esprits de l'Inde, les esprits maçonniques vont commencer à faire le grand travail mystique que mademoiselle Nyingon ne maîtrise pas. Et là, c'est grave, c'est très grave. Et alors, M. Chikaya commence à devenir invisible au domicile de mademoiselle Nyingon. Et mademoiselle Nyingon commence à avoir des violents maux de tête. La tête qui commence à bourdonner. Elle prend le téléphone. Mais chérie, mais c'est comment? Je ne me sens pas bien, tu ne viens même plus me rendre visite. Et M. Chikaya, qui est informé par ces esprits du miasme du bas astral. Monsieur Chikaya, qui est informé par les égrégores maçonniques par les égrégores des magies de l'Inde, commence à lui faire des alertes. Et ces alertes, il les reçoit. Il les reçoit sous forme de découragement. C'est-à-dire, il sent son corps qui devient lourd. Les esprits commencent à lui dire, ne pars plus chez cette fille, parce que ton corps et ton âme sont menacés. Alors, M. Chikaya devient nerveux. M. Chikaya ne veut même plus entendre parler de Mademoiselle Nyingon. Il prend son téléphone, il le ferme. Mademoiselle Nyingon, la situation s'aggrave. Elle va voir le vieux Chikaya. Papa Chikaya, mais qu'est-ce que tu as fait, mon Dieu? Je ne me sens pas bien. Hein? Et Mabika ne vient plus à la maison. Ah, Monsieur Chikaya dit, maman, vous m'avez demandé de faire le travail, non? Moi, j'ai fini de faire mon travail, il ne faut plus m'embêter. Toi, tu c'est quoi? C'est pas toi qui avais dit que l'homme là, il a fait tout pour toi, il a payé les études, il a fait ceci, mais toi, tu cherches quoi encore? Pardon, moi, je ne suis pas dedans. Entre-temps, Monsieur Chikaya, normalement, savait qu'il y avait un problème. Il savait que Monsieur Mabika était maçon. On ne peut pas être directeur général du trésor public. Bah, écoutez, tout ce que je fais là, c'est du fictif. Hein. Moi, je ne sais pas qui est le directeur même du trésor public au Gabon. Pardonnez-moi, moi, je suis aux États-Unis, je ne connais pas tous les détails. Mais c'est des exemples fictifs. Mais c'est comme ça, ça marche. Parce que ce que je partage avec vous, j'ai des clients qui m'ont vu et j'ai vu des personnes se retrouvant dans des situations pires. Allons-y suivre la suite sur Mademoiselle Nyingon. Mademoiselle Nyingon qui a deux doctorats. Un doctorat de communication, un doctorat des sciences politiques. Mademoiselle Nyingon, on voit subitement qui sort de sa maison et commence à crier comme une folle et commence à enlever son linge et commence à trépigner ce qu'on appelle communément en Afrique mouné. Donc elle commence à finalement tourner les reins devant les gens, toute nue. Ah, Mademoiselle Nyingon, qu'est-ce qui se passe? Les gens se posent des questions. Qu'est-ce qui s'est passé? Et les parents de Mademoiselle Nyingon, Monsieur Messam demande, Monsieur Messam, c'est le père de Mademoiselle Nyingon, et Madame Obiang, Monsieur Messam et Madame Obiang, qui sont les parents de Mademoiselle Nyingon, vont attraper Nyingon, vont l'enchaîner, et voici la suite. Mademoiselle Nyingon est devenue folle dans les rues de Nkembo. Voilà Mademoiselle Nyingon qui traîne dans les rues de Nkembo. Mon Dieu, la pauvre Mademoiselle Nyingon, qui est diplômée, deux doctorats, la voilà qui traîne dans les rues de Libreville. Et entre-temps, M. Mabika, le directeur du Trésor, se rend compte que sa vie a failli être gâchée par Mademoiselle Nyingon. Il se rend compte que cette Mademoiselle Nyingon est allée voir des charlatans. Parce que, en tant que maçon, il y a aussi des frères maçons spirituels. Donc les frères maçons ont regardé à travers leur technique de voyance et ils lui ont dit, oh, fratère, fratère, il y a une petite fille là qui a osé te faire des travaux trop durs. Et c'est pas grave. Le retour, le choc en retour se retrouve chez elle. Ça, c'est la leçon numéro une qu'il faut retenir. Que Mademoiselle Nyingon a violé 5 principe. Premier principe, il y a la loi de la compatibilité et de l'incompatibilité. Ne vous gênez pas. Demandez à l'homme qui il est réellement. Même s'il est riche, demandez-lui. Consultez, vous qui avez appris là, même ceux qui n'ont pas appris. Allez-y leur apprendre ce qu'on appelle l'astrologie. C'est très important. Il y a même des pasteurs qui me consultent pour cette affaire d'astrologie, s'il vous plaît. L'incompatibilité des signes, l'incompatibilité des personnalités. Voilà, c'est le mot scientifique de psychologie. Vous partez voir un psychologue ou un psychothérapeute comme moi, il va vous dire ça. Madame, votre relation, là, vous allez forcer. Il y a incompatibilité de personnalité. Il y a incompatibilité. Donc, le mot incompatibilité, mais vous, maintenant que vous avez votre humble serviteur qui est ici, il vous explique qu'il faut étudier d'abord l'arbre de l'astrologie. Donc, étudier le mouvement des astres. Étudier le signe astrologique de l'individu avant de vous engager profondément dans la relation avec le type. Peut-être que ce type-là, par nature, il est ceci. Ou bien c'est quelqu'un qui aime trop les sciences occultes. Nous, les Gémeaux, là, vous connaissez nos secrets, non? Les Gémeaux, allez-y, vérifiez. Les Gémeaux, non seulement c'est des gens qui aiment la liberté, mais c'est des bons communicateurs et c'est des gens qui sont très, très, très mystiques. Très important. Les Gémeaux, c'est des hommes très mystiques ou des femmes mystiques. Vérifiez autour de vous qui est Gémeaux et vous verrez que c'est des gens qui sont prédisposés aux sciences mystiques, aux sciences occultes. C'est des hommes très spirituels. La plupart des pasteurs, c'est des Gémeaux. Allez-y, vérifiez. Ceux qui ont le don de communiquer, c'est des Gémeaux. Alors, toi, tu vas t'amuser à aller type de machin sans consulter. Et de deux, Il y a eu le cas, n'est-ce pas, de sa loge. Est-ce que vous avez mené des enquêtes qu'il est dans une loge? Et quand vous allez vous précipiter, aller voir un ganga, est-ce que vous êtes sûr que la loge ne le protège pas? Ou les chants occultes qu'il fait? Vous ne vous posez pas sur son comportement? Donc, il y a tous ces éléments qu'il faut en tenir compte. Mais maintenant, changeons de scénario. Mademoiselle Nyingon, elle vient voir qui? Elle vient voir votre homme serviteur. Et votre humble serviteur est là assis. Il va. Tu viens trouver votre humble serviteur qui est là, hein, qui joue. Comment dirais-je? Vous venez voir votre humble serviteur qui est là assis. Mademoiselle Nyingon vient me voir. Je suis là. Ah, mais monsieur Moiré, ah, je suis là et j'écoute tranquillement ma musique. Et voilà Mademoiselle Nyingon qui vient me voir. Ah, Tata Moiré, oh, ah, bonsoir, oui, bonsoir, maman. Qu'est-ce que puis-je faire pour vous? Ah, mais c'est ma cousine là, Mademoiselle Biloro, qui m'a parlé de vous. Ah, Biloro, c'est qui? Non, Biloro, bon, mais écoutez, vous avez beaucoup de gens qui vous suivent sur YouTube, non? Oui, je sais, il y a beaucoup de gens qui me suivent sur YouTube. Mais Biloro, là, c'est qui? Biloro, ça peut comment? Biloro, Biloro Mba. Ok. Oui, Biloro Mba vous a dit quoi de moi? Oh non, elle m'a dit que vous êtes un homme spirituel, vous êtes un maître spirituel, vous êtes initié du Bwiti, vous avez fait les Macumba, vous faites les magies des Indes. Bon, je suis venu vous voir là vraiment, si vous pouvez m'aider pour ma situation. Ok, asseyez-vous. Asseyez-vous. Je vous écoute. Ah, monsieur Moiré. J'ai appris haut, j'ai deux doctorats, mais je veux vous dire, je vais vous raconter toute ma vie. Avant que je ne me rende même en Allemagne là pour avoir le doctorat là, j'ai connu un monsieur, monsieur Mabika. Il était enseignant, il était enseignant. C'est quand je l'ai rencontré, j'étais au lycée, il m'a aidé, il me payait tout, il s'occupait même de mes parents. Et après, j'ai eu la bourse. C'est même lui qui m'a soutenu avec l'affaire de la bourse là. Il a fait tout pour que je puisse avoir une bourse d'études pour aller en Allemagne. Et là-bas, j'ai eu mes deux doctorats. Donc, j'ai un doctorat en communication et un doctorat en relations internationales. Ah, monsieur Moiré, votre humble serviteur, je vais lui dire, mais écoutez, maman, je n'ai pas besoin de savoir l'histoire des doctorats. Allez-y droit au but. Que voulez-vous de moi? Bon, je vais aller droit au but, hein. J'ai dit oui, je vous écoute. Bon, monsieur Mabika, le directeur général du Trésor public. Oh, monsieur qui? Monsieur Mabika, le directeur du. Ah, donc c'est lui dont vous parlez? Oui. Ok. D'accord. Mais en tant que votre humble serviteur, en tant qu'ancien maçon, connaît très bien qui est monsieur Mabika. Donc, monsieur Mabika, là, j'aimerais que vraiment, je veux prendre son cœur, je veux prendre son amour, parce que j'ai trop souffert avec lui, oh. Vraiment. Et tous les jours, il est là-bas avec les petites, hein? L'argent, il partage à gauche, à droite. Regarde, en Kembo, il a conçu deux immeubles pour moi. Regarde chez moi au village là-bas, hein? À Lambaréné. Oh, vous êtes de Lambaréné? Attends, tu t'appelles comment? Nyingon. Oh, mademoiselle Nyingon, ok. Attendez, attendez. C'est pas vous la petite fille de monsieur Ndong, l'ancien chef de quartier, Imvouan? Oh, oui, oh, comment vous savez ça? Ah, mais parce que, écoutez, j'ai grandi à Imvouan, dans la zone d'Isaac. Ok, c'est très bien. Ah oui, je vois, il y a une maison à étage à Isaac là-bas, ils vont. Donc c'est le monsieur Mabika là qui a conçu. Oui. Ok. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Donc j'aimerais que vous me fassiez un filtre d'amour. Donc j'aimerais que vous me fassiez quelque chose pour bloquer son cœur. Il ne doit penser qu'à moi. Je veux qu'il m'épouse. Ça doit être l'homme de ma vie. Oh. Ok. Ah, mademoiselle Nyingo, vous voulez que moi je vous fasse un travail spirituel qui consistera pour moi d'arracher le cœur de M. Mabika là, de le détourner de toutes les femmes autour et de faire en sorte qu'il ne pense qu'à vous et qu'il vous épouse et que toute sa vie doit finir avec vous. C'est ce que vous voulez. Hein? Oui. Vous ne pouvez pas le faire. Oh, pourquoi pas? Je peux le faire, maman. Ok. Écoutez. J'ai pris note. Ok. Allez-y. Je vais réfléchir à cette requête. Allez-y là-bas, chez vous. Et revenez me voir dans 2 jours. D'accord? D'accord. Oh, vraiment, monsieur Moiré, vraiment, il faut faire ça, vraiment. Parce que j'ai bien entendu des bonnes choses à votre sujet. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Moi, je vais m'occuper de vous. Allez-y seulement. Donc, mademoiselle, Ningon est partie. Et qu'est-ce que votre humble serviteur, en tant qu'un vrai initié, connaisseur des arcanes secrètes, en tant que maître spirituel, connaissant les lois karmiques, c'est-à-dire les lois fondamentales, magiques, qui sont basées sur le karma, c'est le compte à rebours, le prix à payer lorsqu'on fait des choses qui vont contre les lois et les mécanismes mystiques et les lois cosmiques. Parce que Nzambakana, Teta Mwanga, a créé tout cet univers de manière à fonctionner harmonieusement, sans aucun incident, sans pourtant forcer quelque chose dans la nature. Tout marche de manière harmonieuse. Alors, vous êtes venu consulter un homme comme ça, qui connaît tous ces principes et qui respecte la loi de la vie. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Alors moi, bonsoir depuis l'Allemagne, merci de me suivre depuis l'Allemagne. Je venais de prendre l'exemple de mademoiselle Ningon, elle a appris en Allemagne. Alors, qu'est-ce que moi je vais faire? Je lui ai demandé de venir me revoir dans 2 jours, non? Le danger, je vous ai déjà évoqué le danger qui se cache derrière les pratiques que vous allez faire, c'est-à-dire vous allez voir un spécialiste des sciences occultes ou un initié, appelez-le comme vous voulez, un charlatan, ignoramment appelé charlatan, c'est-à-dire un bouddhiste ou encore un magicien, ou quel que soit le nom, même un pasteur, même un prêtre, ils vont vous faire les travaux. Mais le danger qui se cache derrière ça, vous avez suivi ma première partie de l'histoire. Ils ignorent que la personne que vous allez faire ces choses est protégée. Cette personne a son cœur attaché à une autre personne. Ok? Donc, 2 jours plus tard, j'ai fait mes recherches. Hein? J'ai déjà consulté ce qu'on appelle les tiroirs akashiques. Donc, j'ai consulté les tiroirs de l'inconscient, du subconscient cosmique universel. J'ai consulté et j'ai communiqué avec mes ancêtres. J'ai communiqué avec les esprits de l'au-delà. J'ai communiqué avec les archanges. J'ai communiqué avec les chérubins, les séraphins. J'ai consulté tous les esprits possibles. Et j'ai même prié au nom de Jésus. J'ai consulté tout. Tous, ils m'ont donné des révélations sur M. Mabika. Alors, le lendemain, mademoiselle Ningon vient me voir. Toute contente. Hey, monsieur Mouéré, oui, je suis la maman. Ah, ça, yeah. J'ai parlé avec mademoiselle Bilogo. Ah, votre cousine là. Oui, oh. Mais mademoiselle, j'ai parlé avec ma cousine Bilogo. Elle me dit vraiment, tu es allé voir le vrai homme. Je te jure, ma soeur, à 15 ans, cet homme-là va tout faire pour toi, pour te bloquer ma bika là. Oh, c'est ce que Bilogo t'a dit, oui. Mais j'ai dit, cette Bilogo-là, elle m'a déjà consulté. Oh non, mais c'est parce que vous entendez dire, vraiment, vous parlez des choses. Non, vous êtes, elle a même la chair de poule. À chaque fois, elle vous suit sur YouTube, là. Non, et même sur Facebook. Hein? Elle a tellement entendu parler de vous. Même en Europe, partout, on ne parle que de vous. Oh. Ok, merci beaucoup, mademoiselle Ningon. Assieds-toi. Moi, je vais aller droit au but. Ah, mademoiselle Ningon, oh, toi, là, tu as dit que tu as le doctorat, oui. Tu as appris ceci, cela, oui. L'homme-là t'a tout fait pour toi, oui. Mais est-ce que tu as cherché à savoir d'abord qui il est? Oh, monsieur Moiré, je cherche à savoir qui il est comment? L'homme-là, il est gentil, oh. Il est trop gentil. Il m'a, regarde même la voiture que j'ai amenée là. Il m'a amené une Audi. Et tu sais combien l'Audi coûte? Hey, Audi 4x4. C'est près de 85 millions. Il m'a acheté ça. Et je t'ai dit qu'il m'a acheté des maisons. Vous-même, vous avez confirmé que vous êtes Invoa, non? Invoa, Isaac, là-bas, à l'Ambaréné. Toi, tu as vu la maison étage, là. C'est lui qui a tout fait. Mademoiselle Ningon, je suis flatté par tout ce que vous dites. Mais moi, je suis un homme mystique. Un homme spirituel. C'est-à-dire un homme qui travaille avec les esprits de l'au-delà. Un homme qui travaille avec le monde des morts. Un homme qui travaille avec même l'esprit de Dieu. Teta Mwanga, Nzambe. Nzaman, comme on le dit enfant. Donc, avant que je vous fasse un travail, voilà pourquoi je vous ai dit, allez-y, accordez-moi 48 heures. Et au cours de mes consultations astrales, au cours de mes consultations mystiques et spirituelles, au cours donc de mes télévoyances, voici ce que je découvre. Oh, mademoiselle Ningon, c'est pour votre propre bien. Vous pouvez m'offrir 5 millions, vous pouvez m'offrir 100 millions, vous pouvez m'offrir votre Audi, vous pouvez m'offrir des maisons. Moi, j'en ai déjà. Là où je vous parle. J'ai une maison à Gamba. J'ai une maison à Libreville. J'ai une maison à Port-Gentil. Sauf aux États-Unis. Je loue. Je m'en fous. Parce que je vais finir ma retraite là-bas au pays. Au Gabon. Donc, ma fille, Je n'ai pas besoin de tes biens ni ton argent. Monsieur Mabika là, qui est le directeur du trésor public? Vous les filles d'aujourd'hui là, vous perdez la tête ou quoi? C'est moi parce qu'il veut t'épouser, parce qu'il veut faire ceci, cela. Est-ce que tu as d'abord, tu connais qui il est? Du point de vue mystique, du point de vue science occulte. Et mademoiselle Nyingon qui m'interrompt, oh monsieur Onouvier, je suis quand même une fille bien éduquée, non? Tu crois que moi j'ignore qu'il est dans les loges? Ah ah! Donc tu savais qu'il est dans les loges? Oh, mais bien sûr. Et même moi-même, non? Quoi? Mademoiselle Nyingon, tu dis quoi? Non, moi j'ai rejoint la loge en Allemagne. Il n'y a aucun mal, non, on ne sacrifie pas les gens. Mademoiselle Nyingon, moi-même aux États-Unis, j'ai accepté de rentrer dans la loge américaine en 1999. J'ai été membre actif jusqu'à aujourd'hui. C'est vrai ce que tu dis, il ne demande pas de sacrifices. Mais tu as affaire à un homme qui est dans les loges maçonniques du Gabon. Ça, c'est un. Toi, tu continues à protéger l'histoire des loges maçonniques. Est-ce que tu savais qu'il fait de la magie noire de l'Inde? Non? Ok. Est-ce que tu sais que là où il est là, la position qu'il occupe là, quelqu'un qui a seulement Bac plus 2, il n'a même pas la licence. Est-ce que tu sais qu'il a sacrifié sa grand-mère? Il a sacrifié son père? Il a sacrifié même sa tante? Est-ce que tu sais que dans sa vie, il y a une jeune fille que les parents lui ont proposée, une fille vierge? Voilà le visage de Madame Nyingon qui change. Ok, vraiment, monsieur Mouéré. Donc tout ça là, comment vous avez su? Mais vous êtes venu me voir pourquoi? Oh, mais c'est parce qu'on m'a dit que vous êtes un initié. Eh bien voilà, un vrai initié, quand vous allez lui demander du travail mystique, un travail à faire, que ce soit pour votre protection, que ce soit pour votre avancement professionnel, et surtout quand il s'agit des histoires d'affection retrouvée, amour retrouvé, filtre d'amour, toutes ces histoires-là pour détourner le cœur de l'homme ou de la femme, un véritable initié, c'est-à-dire un connaisseur des arcanes secrètes, un homme qui connaît les secrets de l'univers, comment l'univers fonctionne, un homme qui connaît les lois et principes qu'on appelle télésmaniques, donc la télésmanie pratique. Quand on maîtrise cette télésmanie pratique qui consiste à manipuler les forces cosmiques invisibles en vue d'apporter quelque chose de beau pour quelqu'un, il n'y a aucun mal à cela. Mais que la demande soit une demande tout à fait ponctuelle et une demande qui est, fondée. Mais avant de poser cette demande fondée, nous, en tant qu'initiés, j'apprécie beaucoup votre admiration pour mes enseignements et que pour certains que j'ai fait des travaux, avec pour qui j'ai prié, pour qui j'ai fait certaines choses, qui vivent bien heureux. Mais avant de faire ce travail, je rentre dans ce qu'on appelle les tiroirs akashiques, c'est-à-dire dans les tiroirs du subconscient cosmique universel, là où se sont déversés tous les secrets d'Nzambakana, où sont déversées toute information que vous pouvez avoir avant de pouvoir effectuer un travail opératoire ou opérer un travail mystique sur quelqu'un. Donc, en résumé, c'est pour vous dire, mes ancêtres, qui sont le cordon ombilical qui m'amène vers droit Nzamba, Tata Nzamba Akana, ils m'ont montré votre type de Mabika. Et moi-même, je suis un ancien maçon du Gabon. Ce type-là, il est dans la maçonnerie où on fait des sacrifices. Il est dans les loges maçonniques diaboliques. On ne peut pas occuper avec Bac plus 2 seulement, alors qu'il y a des gens qui ont le doctorat de finances publiques. Je connais un homme qui a Master 4 de finances publiques. Je connais quelqu'un qui a un doctorat en finances publiques. On ne peut pas lui donner ce boulot-là pour qu'il puisse être le directeur du trésor public. Posez-vous la question. Et c'est quelqu'un qui a fait ma Bac plus 2 qu'on donne cette potion. Et ce n'est pas n'importe qui. Donc ma fille, Nyingon, s'il te plaît, retourne avec tes 3 millions ou 5 millions. Je n'en ai pas besoin. J'ai sauvé ta vie. Je sais que tu l'aimes. Je suis désolé. Mais ça s'appelle l'amour aveugle. Et oui, quand on aime, on perd sa conscience. Aimer, c'est mourir un peu. Aimer, c'est devenir folle un peu. Aimer, c'est perdre la tête un peu. Oh, ma fille, Nyingon, tu as l'âge de ma fille. Ma plus jeune fille a 25 ans. La plus vieille, pour ne pas dire la plus âgée, elle a 29 ans. Mon plus jeune fils a 20 ans. Donc, je ne fais plus d'enfants. Voilà. C'est-à-dire que tu es dans la lignée de mes enfants. Donc, pour ton bonheur, ma fille, pardon, laisse Mabika tranquille. Laisse-le. Tu as compris bien, Nyingon? Et Nyingon se met à pleurer. Ne pleure pas, ma fille. Je ne suis pas incapable de faire le travail. Moi, je le fais pour ton bien. Bon, maintenant, si tu insistes là, moi, je vais payer le prix et toi, tu vas payer le prix. Je m'explique. Moi, je crois au principe karmique. J'ai atteint un niveau de maître dans mon yoga qu'on appelle le pranayama yoga, qui est le yoga de la prise de la conscience, l'éveil de la conscience supérieure. Et je fais également un autre yoga qui est très dangereux, Raja Yoga, le yoga royal. Et ce yoga royal, c'est à un niveau où on ne nous tolère plus de marcher contre la volonté, de marcher contre le vent du karma. C'est interdit. Or, le karma, c'est quoi? Toi, tu me forces de faire un travail sur quelqu'un qui est déjà engagé à une autre femme. C'est une violation karmique. Parce que son corps est attaché à une autre femme et il ne te l'avait jamais dit, il l'a caché. Toi, tu vas me forcer de faire un combat mystique et spirituel contre les grégores maçonniques. Il n'y a pas de problème, je vais tenter. Toi, tu vas me demander de combattre des esprits, des génies qu'il est allé ramasser en Inde par des protections de hautes occultes, des chances occultes. Hein? Mais maman, regarde seulement ça. Je vais les combattre. Je vais demander l'aide des autres maîtres, des amis que j'ai au Bénin, aux États-Unis ici, la maison de Laurence. Je vais demander également à mes amis du Burkina Faso et je vais demander à mes amis de l'Haïti et du Brésil. Ils vont m'amener leur concours. Parce que tous nous sommes des maîtres et nous allons bien combattre ces esprits-là. Mais imagine-toi, ma fille, qui va porter le karma? C'est bien moi, Rayon Ouvier, qui vous parle, qui va porter le karma. Et toi, imagine ce que ça va te faire pour toi. Tu vas être folle dans les rues de Libreville. Le quartier Nkembo où tu habites, les gens vont se moquer de toi. Toi qui es parti en Allemagne, amené de doctorat, quelle fierté de la famille à 13 ans. Ok! Et tu as investi là-bas à Invoin, chez nous à Isaac, à Lambaréné. Mais les gens vont parler de toi. Laisse-moi ça. Même si tu as deux doctorats, va m'épouser même quelqu'un qui a même le bac seulement, ou bien je ne sais pas moi, quelqu'un de simple. Va me chercher quelqu'un d'autre. Je vais te faire les consultations. Et puis on va travailler ça ensemble. Et je trouverai ce qu'on appelle la compatibilité. Je vais te trouver l'homme qui t'est compatible. Le type de Mabika, il peut te donner les millions, mais c'est un élément incompatible pour toi, ma fille. Ça, c'est la loi karmique. Et j'en ai terminé pour ma consultation avec toi. Je sais que tu es dessus, mais je préfère te dire la vérité. C'est à la fois bon pour moi, parce que je suis quelqu'un qui croit au karma. Il ne m'est point autorisé de faire du mal. Si tu es marié, je n'ai pas le droit de te coucher. C'est clair. Si tu as déposé 1 million par terre, moi, je n'ai pas le droit de ramasser cet argent et mettre dans ma poche. Jamais. Ça, c'est des lois karmiques. Donc, cela doit être clair. Ah, mademoiselle Ningon, merci de m'avoir consulté. Au revoir. Est-ce que vous avez suivi à travers cette scène les dangers qui se cachent derrière les pratiques qu'on appelle filtre d'amour ou l'amour retrouvé ou bien l'amour forcé ou bien parce que vous voulez, parce que cette femme-là, elle a les moyens, parce que cet homme a les moyens. Et ceci s'applique également aux hommes qui veulent forcer de prendre des femmes, peut-être qu'ils sont mariés, seulement parce que sexuellement, vous la faites sauter le cœur. Parce que son mec, comme il est ministre, là-bas, il ne fonctionne plus bien. Et vous lui, puisque vous êtes jeune, vous lui faites bien le sexe. Allez-y suivre ma vidéo, là où je vous parle de ces dangers-là également. C'est-à-dire comment, si vous, les dangers que vous encourez lorsque vous épousez une femme qui est la femme d'un ministre, ou une femme d'affaires, ou bien la femme d'un directeur général, ou bien même la femme d'un homme qui est riche ou qui a les moyens. Derrière cela, l'homme-là que vous voyez, même s'il est impuissant, et que vous vous faites un filtre d'amour sur cette femme, il existe des techniques mystiques, j'en ai parlé et je ne manquerai point de le répéter. Moi-même, je l'ai fait. Il existe une feuille qui existe chez moi à Lambaréné. Elle existe chez moi également du côté de mes parents maternels dans la zone de Ndougou, dans le Fer Navaz. C'est une feuille que ma mère m'avait montrée. Vous frottez cette feuille, vous crachez. On a été encore perturbés, pardonnez-moi, comme mon live est trop fort, ben, y a des événements qui se passent. Donc, le liquide qui sort de votre feuille et vos crachats là, avant de faire l'amour avec madame, vous frottez entre ses cuisses. Une fois que vous avez frotté ça entre ses cuisses-là, elle ne jurera que par votre nom. Elle ne vous quittera jamais. Jamais, je dis bien jamais. Mais imaginez-vous, vous allez le faire. Vous allez venir, vous les jeunes hommes-là, parce que vous êtes étudiants, vous voulez ruiner la pauvre femme parce qu'elle a les millions du mari. Donc, au moment où vous allez monter sur ses fesses, deux choses vont vous arriver. Vous voulez monter sur les fesses, votre pénis, même s'il a 20 cm, ça va tomber. Ça tombe, ça rentre dans votre ventre, ça devient 0 cm. C'est des pouvoirs qui existent. Si vous doutez, contactez-moi. Je vais vous faire une démonstration au cours de ma tournée. Cette feuille existe. Deuxième phénomène, vous n'avez pas entendu parler du phénomène collé-collé. La vidéo même circule au Kenya, au Congo, partout même au Gabon. Cette feuille existe à Mayumba. C'est un vieux papa de Mayumba qui m'avait monté cette feuille. Monsieur Makanga, il m'avait monté la feuille. Le vieux papa Makanga m'avait montré cette feuille-là. Donc quand vous tournez le dos, même si vous partez pour 10 ans, dès que la femme la couche avec un autre homme, ils vont être collés-collés jusqu'à votre arrivée pour décoller cette affaire. Donc vous là, les hommes qui partez après les femmes mariées pour pouvoir leur faire les fites d'amour, pour pouvoir leur troubler, contentez-vous du plaisir que vous prenez auprès de ces femmes. Mais attention, attention. Autre aspect, il y a des femmes qui sont célibataires, des femmes d'affaires, elles ont des milliards, elles sont très riches. Elles aiment sortir avec les jeunes hommes. Danger, c'est quoi? Elles vont voler vos énergies. Elles vont voler vos forces. Et demain, après-demain, quand vous aurez votre diplôme pour venir travailler au Gabon, vous allez être une coquille vide. Et vous ne servirez plus rien à la société. Vous allez devenir comme ces jeunes hommes métis qu'on voit à Libreville, qui sont obligés d'ouvrir les fesses aux ministres. Et oui, il y a des métis au niveau du Gabon dont le métier, c'est d'aller coucher avec les hommes politiques. Et ils se font voler les énergies. Faites très attention. Donc, en conclusion, avant de pouvoir passer aux questions, retenez ceci. Les filtres d'amour, les fétiches, allez voir un ganga, allez consulter qui que ce soit. Rassurez-vous que vous rencontrez un maître comme votre humble serviteur. C'est-à-dire, vous partez le voir, vous lui dites, « Monsieur, j'aimerais que vous fassiez des travaux d'amour pour moi parce que j'aime mademoiselle. » Que ma secrétaire me pardonne. J'aime mademoiselle Hilda. C'est une fille bien éduquée, très docile. J'aimerais bien la voir dans ma vie. Mais, s'il vous plaît, monsieur Mouré, pouvez-vous vérifier si elle n'est pas libre, ou bien elle est attachée à quelqu'un, ou bien si son cœur de vie à gauche ou à droite, peut-être qu'elle est attachée à Richard, peut-être qu'elle est attachée à monsieur Nguemandong, ou bien à monsieur Obiamba. Pardon. Voilà comment vous devez faire. C'est ça la procédure. Et il n'y a aucun mal en cela. Il n'y a aucun péché. Alors moi, M. Morion vient, tout comme M. Atomodibinga, tout comme M. Nzebekala, nous allons procéder au rite ancestral, c'est-à-dire la technique qui consiste pour nous de rentrer d'abord dans les arcanes secrètes, en consultant avec assiduité et avec sagesse, demander la permission auprès des grands maîtres. Est-ce que mademoiselle Ida, elle est libre? Alors, ils vont me montrer de manière akashique, c'est-à-dire vont me montrer dans les archives akashiques ou encore, ils vont me montrer dans l'au-delà, dans les chambres secrètes du subconscient de Nzambakana. Ils vont me montrer Ida. Elle est libre. Elle est libre. Alors, jeune homme, Richard, oui, je peux faire le travail pour vous, parce que Ida est libre. Maintenant, le travail que je vais faire, ce n'est pas pour la rendre ma boule, mais c'est pour qu'elle passe toute sa vie à aimer que toi. Elle va n'aimer que toi, Richard, afin que mademoiselle Ida n'aime que toi. Et toi aussi, tu ne dois que l'aimer. Et c'est ça la chose que je ne veux pas vous dire. Hein. Parce que toi, tu vas prendre l'avantage de la pauvre jeune fille Ida. Elle est innocente, elle est amoureuse. Quand elle aime à la folie, là, elle ne s'attache qu'à toi. Elle ne va pas faire le banditisme, aller à gauche, à droite. Et toi, tu vas te dire, oui, je vais profiter de cela. Et comme ça, je peux avoir les copines. Oh, mais tu tombes sur du mauvais pied. Parce que moi, Morion vient. Je vais faire tout pour vous bloquer tous les deux. Donc, faites très attention. Qui vous allez voir? Parce que si je consulte que mademoiselle Ida est libre dans le plan éthérique, dans le plan invisible, je ferai tout pour que mademoiselle Ida, je vais faire l'office d'amour pour vous, pour qu'elle s'attache à vous. Mais je ferai la même chose aussi pour vous, jeune homme, monsieur Richard. Donc, ne vous amusez pas à venir me consulter, parce que je ferai tout pour que les deux vous soyez collés pour le reste de votre vie. Et comme ça, toi, Richard, là, tu ne vas pas tricher à Ida. Et toi, Ida aussi, tu ne vas plus tricher à Richard. Donc, vous êtes condamné pour toujours. Alors, réfléchissez avant de vous engager dans ce genre de pratiques. Voici les dangers auxquels vous vous exposez lorsque vous allez voir des spécialistes des sciences occultes sans pourtant avoir l'assurance et la connaissance de qui vous avez affaire. Je vous remercie beaucoup, chers compatriotes, chers frères africains, parce que c'est une maladie qui frappe toutes les souches sociales africaines, qui touche les couches sociales gabonaises. Je vous remercie. Alors, la parole vous est donnée, s'il vous plaît. Posez-moi des questions. J'ai encore seulement 10 ou 15 minutes avec vous. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Que Nzambakana vous bénisse. Merci. Merci. Alors, nous avons 45 minutes. Je tente de vérifier le timing puisque je n'ai pas ma montre. Nous avons 45 minutes devant nous. Sentez-vous libre de poser des questions. Je sais qu'il se fait tard hein, parce que... Oh là là. Ça fera 2h du matin en France. 2h du matin au Gabon. Mon Dieu. Donc, je ne vais pas vous en vouloir. Dans les 10 minutes qui suivent, si vous ne me posez pas des questions, je serai obligé de clôturer le petit live de ce soir. Pardonnez-moi. Mais mes occupations, hein, parce que je suis très occupé ces derniers temps. Normalement, je vais profiter seulement de ce temps-ci. Car comme j'avais promis vendredi, ce n'est pas possible. Vendredi, je serai au cours jusqu'à 20h, l'équivalent de 2h du matin chez vous. Personne ne peut être disponible. Et je serai fatigué après 7h de cours. Et ensuite, je vais aller au travail. C'est la période où je suis très chargé, s'il vous plaît. Jusqu'au mois de février où je serai de repos. Donc, je ne vais pas vous en vouloir. Je vous accorde encore 10 minutes pour me poser des questions, s'il vous plaît. J'attends vos questions avant que je ne tire la conclusion générale du cours de la présentation ce soir. Oui, bonsoir Hermine, bonsoir. Oui, je prends note, je répondrai. Thank you. Je constate que tout le monde est en train de partir, les gens sont en train de dormir. Donc je ne vais pas trop vous maintenir longtemps. Ok. Bon, écoutez, parce qu'il s'est fait tard là. Je ne vais pas trop vous garder longtemps. Je vais pouvoir répondre à quelques-unes de vos questions. Parce que je peux déjà constater que le nombre de vues a baissé presque de 50%. Ça veut dire que le sommeil, je ne vous en veux pas. En fait, il n'était pas prévu que je puisse avoir une audience. Pour moi, j'ai plutôt prévu ça pour juste afin de vous faire une surprise. Donc, la question sur les questions astrologiques, voilà, c'est le conseil que je vais vous donner. C'est gratuit. Et initiez-vous vous-même. Allez-y, il y a des livres qui sont disponibles dans les librairies ésotériques. Ou même, c'est gratuit, online. Donc, vous prenez votre ordinateur, vous Google, vous partez sur Google et vous posez la question sur les compatibilités des signes. Et vous verrez, ça va vous guider. Bon, ça ne va pas rentrer dans les détails, sinon ils vont commencer à vous demander les cartes de crédit. Allez-y, achetez vous-même les livres. Est-ce que Bélier et Bélier, ça peut marcher? Oui et non. J'ai dit oui, parce que, pardonnez-moi, je vais prendre un exemple qui va vous choquer. Quand vous êtes du même signe astrologique, c'est comme si vous avez le même sang. Vous avez le même caractère. C'est pas comme, mais là, c'est la vérité. Vous avez le même... C'est... Voilà, je prends l'exemple de comparaison. Le même signe veut dire que c'est comme si vous étiez de même mère. C'est comme si vous étiez de même père. Vous comprenez? Donc, les liens qui vous lient là, font... c'est des liens très forts. Donc, pour ce qui est des signes, c'est pareil. Pardonnez-moi, vous avez vu par exemple, il y a des frères, j'ai eu le témoignage de quelqu'un, je garde l'identité. Vraiment, il passe des moments difficiles parce qu'il voit un frère et une sœur qui sont en relation. Ils ont une relation qui va loin jusqu'à avoir des relations sexuelles. Ils sont même mère, même père. Quand on a interrogé l'un d'eux en privé, après avoir consulté un psychologue, le psychologue a témoigné et a dit carrément que non, le plaisir qu'ils éprouvent, surtout la fille a dit le plaisir qu'elle éprouve, elle a tenté avec un autre gars de Wall, c'est pas pareil, jamais, elle a tenté avec deux, trois personnes, non, le plaisir est trop fou. Je n'encourage pas cela, c'est l'exemple que je prends. Donc quand vous êtes du même signe, quand vous êtes signe du même élément, parce que quand vous êtes signe du même élément, ça veut dire quoi? Ça, vous êtes terre, terre. Vous êtes air, air. Vous êtes eau, eau. Vous êtes feu, feu. Comprenez? Ça veut dire que vous appartenez à la même souche. Je réponds le côté oui. Si vous voulez faire cela, vous voulez avoir cette relation juste pour un plaisir, juste pour un moment temporel, donc pour une période donnée, je vous jure que vous allez avoir le plaisir le plus fou. Vous allez bien vous amuser. Mais malheureusement, vous n'êtes pas appelé à vous marier. Vous ne pouvez pas. Sinon, ça va devenir moche. Je m'explique. On nous dit, dans le jargon en français, je vais essayer de traduire ça en français, hein. C'était en anglais qu'on m'a appris ça. Des personnes de même nature ne peuvent point s'attirer. Mais c'est des personnes de nature opposée. Souvent, les personnes de nature opposée sont compatibles. En d'autres termes, si l'un est bavard, l'autre est calme, vous verrez que c'est la relation qui dure. Parce qu'il faut qu'il y ait un qui contrôle l'autre. Mais si l'un est bagarreur, l'autre bagarreur, ça ne pourra jamais marcher. L'autre est trop calme, aime méditer. Toi aussi, tu es dans le coin, tu aimes méditer. Ça ne peut pas marcher. Donc, il faut toujours l'opposer. Vous comprenez? Donc, je veux dire que les personnes de même signe ne peuvent pas vivre dans une compatibilité absolue, mais dans une compatibilité temporelle, dans le cadre du plaisir, de passer des moments de plaisir ensemble. Le plaisir est trop intense. Je vous ai donné un exemple vulgaire, pardonnez-moi, c'est pas un exemple vulgaire, c'est peut-être un exemple anti-société. Anti-société parce que je n'encourage pas et je ne proclame pas la liberté dans la famille de voir un frère et une sœur d'avoir des rapports sexuels. Non. Mais ceux qui l'ont fait, ils ont témoigné que le plaisir est trop fou. C'est trop fou. J'ai commis cette erreur que ma cousine me pardonne. Je fais ça avec ma cousine, mais je vous dis, je ne pourrais plus le répéter. Parce que si je le répète là, elle ne va pas me laisser. Dieu merci qu'elle est déjà partie dans l'autre monde. Hein? Elle est morte. Donc, quand vous faites les choses du même sang, du même signe, je vais vous dire, juste pour un moment temporel, ça marche. Mais puisque vous êtes de la même personnalité, vous êtes du même élément, ce n'est pas possible. Donc, Bélier et Bélier, pour répondre à votre question, non. J'ai dit oui, si c'est pour le plaisir. Vous verriez que si le gars est Bélier, toi tu es Bélier, vous allez avoir un plaisir fou intense. C'est pour juste vous amuser, quoi. Mais par contre, si c'est pour avoir une relation à long terme, je dis non. Parce que dans toute logique de la société, seules les forces opposées s'attirent. Il y a un qui est bagarreur, l'autre ne l'est pas. La femme est tellement douce et calme, le mari s'en fout. La femme, elle est folle, on la voit là-bas, comme vous avez appris l'exemple de Madame Margaret Thatcher. Elle était première ministre britannique, on l'appelle la dame de fer. Mais allez-y voir son mari, il était agriculteur, ça ne veut pas dire qu'il n'était pas éduqué. Mais c'est un homme trop humble, trop calme, mais en même temps celui qui dirigeait dans le silence. C'est ça, ainsi va la vie. Et nous le voyons même dans le cas de notre pays, bon, on ne parle pas politique ici. Qu'il y a des femmes qui commandent finalement les hommes. Et pourtant, l'homme est influent, mais c'est la femme qui prend toutes les décisions, c'est la femme qui est en train de faire ceci, cela. Donc, c'est pour vous dire que deux forces opposées, c'est mieux. Ensuite, je crois que j'ai répondu à cette question, mais la leçon que j'allais vous donner est la suivante. Pour ce qui est des signes, des éléments, de ceci, cela, comme je l'ai dit à l'introduction de cette vidéo, prenez le soin de bien étudier qui vous êtes et d'étudier l'autre personne qui veut rentrer dans votre vie. Si vous trouvez qu'il y a incompatibilité, si par exemple la personne est élément R, là je parle de Gémeaux, je suis Gémeaux, ma partenaire est Gémeaux, pour le plaisir, c'est intense, mais on ne peut pas vivre ensemble. Parce qu'elle, c'est une bonne communicatrice, je suis un bon communicateur, j'aime la vie libre, elle aime la vie libre. Chez les Blancs, ils n'ont pas de problème pour ça. D'ailleurs, chez les Blancs, ils encouragent ça. Ils préfèrent que quand vous êtes des mêmes défauts, des mêmes qualités, c'est mieux de vivre ensemble. Mais malheureusement, nous avons vérifié le cas de Moïse et Zéphora. Nous avons vérifié le cas d'Abraham et Sarah. C'était des gens opposés. La femme Sarah, elle était palabreuse. Moindre chose, elle pourrait taper même le coup de poing à quelqu'un. Mais Abraham, c'était quelqu'un de très calme, de trop mystique, réservé. Par contre, Sarah, Elle parlait beaucoup. Ça là, c'est des informations que nous recevons de la Torah, le livre des Juifs. Donc, la vie a été faite ainsi. La vie a été toujours faite ainsi. Bon, prenons même le scénario d'Adam et Ève, selon le mythe chrétien. Adam, c'est quelqu'un qui était réservé. Ève, elle était trop bavarde. Elle voulait tenter à tout. La preuve, voilà. Le serpent, le fameux esprit, est obligé de passer que par Ève parce que le serpent, là, savait que Ève, c'est elle qui parle trop. Par contre, Adam ne parlait pas trop et non trop réservé. Parce qu'il passait tout son temps à communiquer avec un Zambakan. Alors, il est passé par Ève. Ce qui explique pourquoi nos mamans, elles sont beaucoup plus émotionnelles. Elles parlent plus que les hommes. C'est normal. C'est vrai qu'il y a des hommes, hein, mais ça, vraiment, c'est pas normal pour un homme de trop parler, sauf si c'est nécessaire pour faire un enseignement ou quelque chose comme ça. Donc, en conclusion, retenez bien ceci, parce que ça fait tard, là. Je peux revenir sur ce cours-là la prochaine fois pour retenir que l'étude de compatibilité et d'incompatibilité dans une relation est très importante. Apprenez à connaître votre signe astrologique très bien. Il y a des données et des livres qui sont disponibles, vous pouvez apprendre gratuitement. Vous pouvez télécharger certains livres que je vais vous balancer sur mon post Facebook afin que vous puissiez analyser ces livres-là, les lire, et vous allez mieux vous connaître. OK? Donc, à travers l'étude astrologique, vous allez mieux connaître qui vous êtes et vous pouvez maintenant trouver l'âme sœur. Or, l'âme sœur, retenez bien, souvent c'est l'opposé de ce qui vous êtes. C'est-à-dire, je suis Gémeaux, une femme qui est bélier, j'ai 75% de chances que je puisse finir ma vie avec elle. Même si elle me contrôle, mais je ne vais pas continuer à résister parce que je suis un homme de liberté, par nature. Mais pas par, plutôt par essence, mais pas nécessairement pour le reste de ma vie. Parce que je vous dis, quand vous êtes un initié, vous vous éduquez, vous changez et la sagesse rentre. Mais en tant qu'être humain normal, et comme je disais, ça revient à dire ce que j'ai toujours enseigné aux gens que votre signe astral, en fait, c'est votre destin. Mais savez-vous, ne soyez pas choqués, que vous pouvez changer votre destin. Oui, le destin de tout un chacun est peut-être modifié. Ce n'est pas forcément Dieu, comme les religions nous l'apprennent, que Dieu peut changer ton destin. Non, toi-même, tu es responsable de ton destin. C'est toi qui es le maître de ton étoile. Dès lors que tu découvres qui tu es, alors tu peux changer. Si tu étais appelé à être ceci, mais tu peux changer le cap. Et c'est comme ça la vie. Parce que tes parents peuvent te programmer pour devenir ceci, alors que toi, les génies, Nzamba Kana, ton créateur, t'a prédestiné pour devenir ceci, alors tu modifies pour t'aligner sur la même longueur d'onde que Nzamba Kana, selon les astres. Les astres ont décidé que c'est ce que tu dois devenir. Mais vous remarquerez qu'il y a des gens qui sont Gémeaux, mais qui vont aller faire autre chose. C'est vrai, moi j'ai pris le cas, je suis allé passer mon temps dans le pétrole, je suis allé passer mon temps machin, à gauche, à droite, alors qu'en réalité, mon père me dit non, il faut faire comptabilité, il faut faire. Après le bac, j'ai deux, j'ai voulu faire gestion. Alors que ce n'est pas ça mon appel. Mon appel, c'est la communication. Mon appel, c'est l'éducation. Mon appel, c'est la sensibilisation. Mon appel, c'est le mysticisme, c'est la spiritualité, la sensibilisation. Et voilà, aujourd'hui, je fais maintenant psychothérapie. Donc, la psychologie est plus ou moins adaptée à moi. Donc, c'est comme ça la vie. Vous pouvez changer votre destin pour mieux l'ajuster à votre étoile de naissance, à votre plan astral qui a été tracé selon le Dieu suprême. Donc, pardonnez-moi, je commence à sentir aussi la fatigue, je vais pouvoir rentrer parce que je revenais tout droit des cours, là, comme vous ne pouvez pas peut-être le constater. Il y a une petite fatigue qui se lit sur mon visage. Je vous remercie de m'avoir suivi et nous allons nous retrouver donc la semaine prochaine pour un autre sujet. Vous serez vraiment très très très intéressé parce que c'est un sujet encore, et je vais le balancer tout à l'heure sur Facebook, et un sujet qui va intéresser beaucoup de personnes. Donc rassurez-vous, je viendrai encore avec un autre sujet, un sujet toujours tabou hein, de la société, mais que nous les Africains on néglige. Donc nous aurons le temps d'analyser ça. Quoi. Donc je vous remercie de m'avoir suivi une fois de plus. Et merci pour votre patience, parce qu'il est déjà plus de 1h30 du matin. Ceux qui m'ont suivi, donc, merci encore une fois de plus. Le plus important est de retenir que ne jamais féticher pour un homme et ne jamais féticher pour une femme. Maintenant, si vous prenez ce risque, veillez, s'il vous plaît, consultez d'abord le spécialiste. Et c'est comme ça que vous saurez si c'est quelqu'un qui veut votre argent ou bien quelqu'un qui veut votre bien. À travers cette vidéo, tout au début et du développement de mon sujet, vous avez découvert les deux acteurs. Il y a l'acteur qui s'en fout en réalité de votre avenir et qui s'en fout de son avenir, mais le souci commun, c'est quoi? C'est l'argent. Parce qu'ils veulent faire des travaux pour s'enrichir. Et par contre, le deuxième scénario de l'autre acteur, c'est quelqu'un qui maîtrise les forces occultes, c'est quelqu'un qui maîtrise les arcanes secrètes, c'est quelqu'un qui connaît le principe du karma. Il ne veut pas se faire du mal à lui-même parce qu'il veut continuer son incarnation dans les plans cosmiques supérieurs. Parce que si vous violez une loi karmique, eh bien, les dieux vont vous renvoyer sur Terre. Allez-y suivre ma vidéo sur la mort et la suite sur la mort. Elle est disponible sur cette chaîne. Là-dedans, j'explique très bien comment ça se passe lorsque vous avez déjà atteint le rang de maître et que vous osez encore faire des conneries. Eh bien, c'est fini, on vous rétrograde. Et quand on vous rétrograde, c'est pas bon. Or, votre humble serviteur fait partie de ceux-là, ayant atteint certains niveaux où je ne peux plus me rétrograder. Si je sais que baiser la femme de l'autre, c'est pas bon, je n'ai pas le droit de le faire. Si je sais que mentir, c'est pas bon, je dois éviter de le faire. Si je sais que aller féticher pour une femme qui veut épouser un homme parce que cet homme est riche, je ne peux pas le faire, surtout si cet homme a déjà eu des engagements quelque part. Si son cœur est attaché à une autre femme, si son cœur est attaché aussi à certaines entités de l'au-delà, je ne peux pas moi rentrer dans ce combat. Bien que je peux bien le faire, mais je ne veux pas parce que cela va empiéter, avoir un impact sur mon karma. Or, le karma, c'est quoi? C'est la loi des talions. Ok? Vous faites du mal, le mal va revenir vers vous. Oui, vous avez des expériences comme ça dans notre vie et même dans notre propre pays. Il y a des gens qui ont fait tellement du mal aux autres et ils le payent aujourd'hui. Donc, évitez cela, s'il vous plaît. Femme, homme, vous qui vous y intéressez dans ce genre de pratiques de l'amour retrouvé ou encore le filtre d'amour, je vous décourage de le faire si et seulement si vous ne respectez pas les principes préétablis par exemple à Kana qui consiste d'abord à aller chercher dans les tiroirs akashiques ou dans les tiroirs de l'inconnu là-bas, de l'inconscient et du subconscient. Et ça veut dire vous passez par quelqu'un qui connaît ces techniques-là. Vous demandez à la personne gentiment, papa, pardon, il faut d'abord regarder, ou bien maman, pardon. Essayez de voir si le cœur de tel ou tel est déjà engagé à une autre femme. Moi, je ne veux pas avoir des paroles. Ou bien si ce monsieur-là ou cette dame-là est dans des fétiches bizarres, ou bien peut-être son mari lui a mis la feuille là pour me permettre de coller entre ses fesses, vérifie-moi tout ça. Ou bien peut-être cette femme va voler mes forces, ou bien cet homme-là est dans les loges ou bien dans les magies. Donc, s'il vous plaît, voilà le conseil que je vous donne à la fin. Que Nzambakana vous bénisse. Teta Mwamba, le Dieu suprême, qui veille à l'évolution de l'espèce humaine, qui veuille et qui veut que vous, qui me suivez, à travers le monde, en Afrique, en Europe, en Asie, partout, et je m'adresse à mon peuple noir, et quelques blancs de nos frères blancs qui s'intéressent à mes enseignements, puisque je le fais ici en anglais également, à vous, je vous dis ceci. Continuez votre évolution spirituelle. Continuez à votre pratique spirituelle. Continuez à vous connaître. Car la connaissance de soi est la libération de soi contre les miasmes du bas astral, la libération contre les superstitions et les religions qui nous ont trop détruit notre essence. Continuez à pratiquer le rite de nos ancêtres, qui est un rite, est une pratique réelle. Car votre ancêtre, c'est le descendant d'Adam. Adam est le premier ancêtre, ou Adama. Cet ancêtre qui communiquait directement avec Dieu. Mais maintenant, lui, il est parti. Donc, qui représente Dieu sur terre ou bien dans le monde invisible, c'est votre père, votre grand-père qui vous a quitté et qui se retrouve du côté du monde des possibilités. Donc vos ancêtres sont du côté des mondes des possibilités. Continuez à communiquer avec eux. Pour ceux, allez-y suivre encore la vidéo sur comment communiquer avec nos ancêtres ou encore les bienfaits du rite ancestral. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, comme toujours, si vous avez des questions, vous pouvez me les adresser en inbox, soit directement ici après avoir suivi la vidéo ou encore sur Tata Nzambe Akana, l'autre chaîne qui est dans Facebook. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Merci.